Pour mieux soulager ma peine, je m'octroie un repos d'une semaine. Chaque mois, le salariat est un leurre à bannir. Moi, je veux passer mes heures à dormir. Je suis un être si faible, maladif, au lieu de prêcher les règles des manifs. Quand je suis là, des horaires à la con, je déserte à la légère ma prison. Je suis un absentéiste, brave gens, je me sens un peu triste, très souvent, qu'on me traite de fumiste, qu'on me traite de feignant. Faut pas dire que j'abuse, surtout pas si mes confrères m'accusent. C'est leur roi, au fond, rien ne les empêche, après tout, de ne pas faire de lèche au grigou. Voilà comme je ménage ma santé lorsque je vais sur la plage à rêver. Et mes copains qui travaillent, à quoi bon pour gagner vaille que vaille des galons. Je suis un absentéiste, brave gens, je me sens un peu triste, très souvent qu'on me traite de fumiste, qu'on me traite de feignant. Absentéiste, brave gens, je me sens un peu triste, très souvent, qu'on me traite de fumiste, qu'on me traite de feignant. Mon médecin est complice, il le faut, il comprend bien mon supplice de prolo. Aussi, jamais il hésite un instant à me prescrire bien vite du bon temps. Si tous les absentéistes ici-bas unissaient leurs égoïstes désarroi, nous abolirions peut-être ce fléau qu'il faudrait voir disparaître. Le boulot, je suis un absentéiste, brave gens, je me sens un peu triste, très souvent, qu'on me traite de fumiste, qu'on me traite de feignant.